Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'incendie du Parlement de Montréal, le 25 avril 1849. C'est un événement extraordinaire. Aujourd'hui, si on disait il y a un groupe de personnes qui sont allées saccager l'hôtel du Parlement à Québec, ont mis le feu dedans. On détruit tout ce qu'il y avait de bibliothèques et d'archives. C'est pas de la fiction, c'est un événement extraordinaire. L'incendie du Parlement de Montréal le 25 avril 1849 est effectivement un événement extraordinaire, comme le dit l'historien Gaston Deschênes à l'émission La petite histoire du Parlement de Québec diffusée en 1990. Cet incendie de 1849 aura pour conséquence de faire perdre à Montréal son statut de capitale. Cet incendie nous en dit également très long sur l'onde de choc que provoque l'établissement d'un gouvernement responsable au Canada uni, une véritable révolution du point de vue de cette petite poignée d'anglophones de Montréal qui décidaient de tout et qui gouvernaient à leur guise. Le 25 avril 1849, les émeutiers sont en furie. Torche à la main, ils marchent vers le Parlement. Leur colère est telle qu'ils y mettent le feu. Ça sera fait du Parlement de Montréal. J'ai l'impression que c'est une histoire très méconnue. Qui se souvient aujourd'hui que Montréal a été la capitale du Canada? C'est comme tombé rapidement entre les cracks de l'histoire, si on veut. Le feu ne fera aucune victime, mais il signe l'arrêt de mort du Parlement à Montréal. Extrait de reportage d'André Bernard diffusé à l'émission Découverte en octobre 2011. Pour nous expliquer le contexte entourant cet incendie du Parlement de Montréal en 1849, mon invité est Alain Roy, historien et chercheur au Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal à l'Université du Québec à Montréal. Alain Roy, bonjour. Oui, bonjour. Quelle importance a cet incendie du Parlement de Montréal dans l'histoire du pays, Alain Roy? Ben, en fait, elle se situe d'abord dans une décennie marquante pour le Canada. Montréal est capitale, en fait, depuis 1844, et c'est une époque de changement majeur au niveau du gouvernement, de l'État, etc. Et l'incendie, en fait, à la fin, donc en avril 49, va mettre fin à cette décennie où Montréal était capitale. Ouais. Donc c'est une période qui se clôt à peu près avec cet incendie. L'historien Louise Potier, dans l'extrait qu'on entendait, qui est au musée de Pointe-à-Calière à Montréal, soulignait que cet événement-là est un petit peu méconnu, qu'il est passé dans les cracks du plancher de l'histoire, je pense qu'il disait. Comment vous expliquez qu'on ait un peu oublié ça? Ben, en fait, cette histoire de capitale est complètement oubliée. Parce que la mémoire, en fait, a retenu beaucoup cet incident du Parlement qui brûle, en laissant de côté toute la période où Montréal était capitale. On a mis l'accent beaucoup sur cet incendie-là, ouais, pour des considérations politiques, on en parlera tout à l'heure, mais qui aura comme un impact majeur sur, effectivement, et Montréal comme capitale, et aussi sur la suite des, ouais, choses au plan politique. En fait, on est plus tourné sur les retombées qu'aura cet incendie. C'est ça qu'on va retenir, plus que le fait qu'effectivement, pendant quelques années, Montréal est la capitale. Parlons-en de ça. Dans quel contexte Montréal devient capitale du pays? Montréal devient capitale dans le contexte de l'Union, en fait, et en 1841, la proclamation de l'Acte d'Union, Kingston est nommé capitale, mais dès les premiers mois, on se rend compte que c'est complètement non fonctionnel. La ville ne peut pas accueillir le Parlement, les parlementaires, etc., les ministères. Donc, dès septembre 41, il y a une demande pour revenir à Montréal. Montréal est alors la métropole commerciale. On la voyait comme le centre du Canada uni. Oui. Et en fait, il y avait déjà eu un plan qui avait été déposé en 39 pour faire de Montréal capitale. Donc, en 43, l'Assemblée va décider de revenir donc à Montréal. On va utiliser le marché Sainte-Anne, qui était le bâtiment public le plus majestueux de la ville, pour abriter le Parlement. Ouais. On va avoir des plans aussi pour abriter les ministères, etc. Mais on va se concentrer sur le Parlement. Ouais. Ben oui, et sur l'incendie, on y vient, cet incendie du Parlement en 1849. C'est le résultat de la colère de ceux qu'on appelle les Tories, hein, qui sont une partie de la députation dans ce fameux Parlement. Qu'est-ce qui les pousse à incendier le Parlement? Dans quel contexte, au fond? Le contexte général qui explique la colère de ces Tories et l'émeute de 1849, c'est quoi? En fait, il faut le replacer dans le contexte des années 1840. Tout le monde sait qu'en 1848, par exemple, il y a plusieurs révolutions qui surviennent en France, en Italie, en Hongrie, en Pologne. Et on appelle ça le printemps des peuples. Donc, l'émergence de mouvements nationaux. Les États-nations. Là. Les États-nations. Parallèlement à ça, il y a aussi le passage à l'État moderne. Pour certains autres États, comme en Grande-Bretagne, il y a une série de transformations. L'Empire change, en fait. Avec le libre-échange, on va par l'abandon des Corn Laws, les colonies sont laissées à elles-mêmes. Alors, les Tories, qui ont, en fait, représentent les marchands anglais, principalement à Montréal, avaient le contrôle sur le commerce en Amérique et, par le libre-échange, perdent ce rôle-là de dominant. Cette reconfiguration de l'Empire, donc, implique aussi des changements politiques qui vont amener finalement la crise de 1849. Donc, beaucoup de changements. Les Corn Laws, c'est, au fond, garantissaient aux marchands anglophones de l'Empire, ici, entre autres, au Canada, à Montréal, un prix. Ça tombe, c'est le libre-échange, ouais. Donc ils perdent l'argent. Il y a le gouvernement responsable aussi qui va arriver, ouais, en 1848. Alors, le gouvernement responsable, on utilise ce terme-là pour différentes choses. Il y a d'abord la responsabilité ministérielle, c'est-à-dire qu'au sein du gouvernement, les ministres deviennent responsables de vrais ministères, parce qu'il n'y avait pas de ministère avant, on crée des ministères. Et il y a aussi le fait que c'est l'autonomie locale. Donc, c'est-à-dire que le Parlement et l'administration est responsable des questions locales, mais pour que ça fonctionne, il y a deux conditions à l'époque. Il faut que les réformistes, donc du Haut et du Bas-Canada, s'entendent pour faire ça, parce que c'est aussi des mesures qui sont approuvées à Londres, et qu'il y a donc une acceptation donc de participer dans l'Empire, ce qui est contesté, oui, à l'époque. Mais on va accepter, en fait. Ils vont finir par accepter. Les francophones, entre autres, vont se dire l'important, c'est qu'on ait notre propre gouvernement, même si ça veut dire, oui, on reste dans l'Empire britannique, mais on accepte ce pari-là, en quelque sorte. C'est le point de vue des réformistes, La Fontaine-Baldwin, mais il y a d'autres, Papineau, entre autres, s'y opposent de, oui, façon radicale à l'époque. Mais c'est important, le gouvernement responsable, parce que ça fait qu'on est... En quelque sorte, c'est le début de l'indépendance face à Londres. Et ça veut surtout dire ici, on revient à nos fameux Tories, là, qui sont pas contents de ce qui se passe. Ils ont perdu la protection des prix sur certaines marchandises. Là, le gouvernement responsable, pour eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils perdent... Ils perdent le pouvoir, le petit pouvoir qu'ils avaient, là, le grand pouvoir que la petite clique avait, finalement. Bien, en fait, le principal pouvoir que ça change, et ce sur quoi ils vont finalement réagir beaucoup, c'est le fait que Londres accepte l'autorité du Parlement local sur les questions locales. Donc, c'est ce pouvoir du gouverneur de retenir les lois qui va être contesté le plus, finalement, par les Tories. Oui. Autrement dit, Londres accepte, c'est un échange, c'est un donnant-donnant. On vous donne le local si vous acceptez d'être dans l'Empire, oui, mais il faut que les gens aient le pouvoir de décision. Et ça veut dire donc que c'est les députés de cette Assemblée, de ce Parlement de Montréal, qui peuvent dorénavant voter des lois et que le gouverneur va accepter de les sanctionner. Ça nous amène à ce qui sera probablement l'étincelle menant à l'émeute et à l'incendie du Parlement. Cette fameuse loi de l'indemnisation pour les victimes de la rébellion de 1837-38. Il y en avait une au Canada anglais, au Canada en fait. Il y en a maintenant une au Bas-Canada. Et l'étincelle, c'est que Lord Elgin, le gouverneur, donne son accord. La sanction royale est accordée par Lord Elgin. C'est ça, au départ, qui provoque les événements de 1849. Tout à fait. En fait, la loi est annoncée dans le discours du trône en janvier, va être approuvée à la fois par l'Assemblée législative et le Conseil législatif au mois de mars. Donc, on est très loin, là, de la... C'est sûr que les Tories vont faire des pétitions, des adresses, des manifestations, mais c'est au moment où Lord Elgin signe, donc approuve la loi, que l'étincelle part, autrement, oui, dit que là, les Tories vont réagir. Ils vont appeler une manifestation au Champ de Mars, et de là va s'en suivre, là, tous les événements. Mais qu'est-ce qui les dérange tant là-dedans? Ce qui les dérange tant, c'est ce nouvel arrangement du pouvoir, en fait. C'est autrement dit qu'ils ne peuvent plus compter sur Londres, pour les grandes questions politiques, davantage, je pense, que la question même du bill d'indemnité. C'est sûr qu'il y a cette frustration par rapport à l'indemnisation des victimes des rébellions. Parce que ça, c'est sensible, évidemment, politiquement. Absolument. Mais c'est aussi, surtout, cette perte de recours, de dernier recours, finalement, sur Londres. En fait, suite à ça, McNab, le Sir Alan McNab, qui est le chef Tories, va aller à Londres pour demander que Londres rejette, non seulement rappelle Lord Elgin, mais rejette la loi. Oui. Mais finalement, ça va être un échec pour lui. Au fond, c'est cette loi-là, mais ça aurait pu être une autre loi. C'est l'adoption par le Parlement d'une loi qui est sanctionnée par le gouverneur. Cette nouvelle manière de gouverner, c'est ça que les Tories remettent en question. Oui. C'est sûr qu'il y avait eu d'autres lois qui ont été adoptées et puis qui n'avaient pas posé problème, mais c'est vraiment le test crucial pour ce qu'on appelle le gouvernement responsable. Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'ils perdent? Qu'est-ce qu'ils ont perdu avec ce gouvernement responsable, cette petite poignée d'anglophones là, qui emmenait très large, les Tories, entre autres? Bien, en fait, c'est la reconfiguration du paysage politique canadien qui va surgir après 49. Non seulement l'événement lui-même, mais c'est que déjà, autrement dit, les réformistes ont le haut du pavé, si on veut, à la fois contre les Tories et à la fois contre les républicains. Et l'événement, donc, et c'est cette reconfiguration-là va transparaître dans les années qui suivent. Mais ça se passait comment pour qu'on comprenne ce qu'ils perdent? Encore une fois, cette petite clique, qu'est-ce qu'elle perd? Comment ça se passait avant le gouvernement responsable? Bien, avant le gouvernement responsable, normalement, tu avais le Conseil législatif et le Conseil législatif avait un pouvoir de retenir les lois, en fait, ce qui avait été beaucoup l'enjeu, si on veut, des rébellions elles-mêmes. C'est-à-dire que l'Assemblée pouvait être bloquée par le Conseil législatif. Maintenant, le gouvernement... Qui était noyauté par une poignée d'anglophones. Ouais. Et le conseil exécutif était nommé par le gouverneur, tandis que le gouvernement responsable, c'est la majorité du Parlement qui a le pouvoir de l'exécutif, donc de faire les ministères, etc. Que se passe-t-il donc, ce fameux 25 avril 1849? On écoute l'historien Gaston Deschênes à nouveau. Il lit le récit que fait un marchand anglophone de Montréal de ce qui se passe dans une lettre qu'il envoie à son épouse, extrait de l'émission L'Aventure du 5 mars 1993. Ce n'est que trop vrai. Hier soir, vers les 8 heures, alors que le Parlement siégeait une populace, on ne peut l'appeler autrement, même si elle était composée de certains de nos meilleurs citoyens, a cerné l'édifice et a commencé à saccager en brisant les fenêtres. Bientôt, les portes furent enfoncées et un gaillard s'élança vers la chaise de l'orateur en s'écriant « Je dissous le Parlement ». C'était le signal et immédiatement devant les députés, de nombreux spectateurs ont mis le feu aux conduites de gaz à une douzaine d'endroits et l'édifice devint la proie des flammes. La foule furieuse s'empara de la masse en or, symbole sacré de la royauté, pour l'emporter dans la rue en poussant des cris de dérision et de dédain. Les députés s'échappèrent de justesse à la mort, et le splendide édifice qui contenait des peintures rares, toutes les archives de la province depuis le début de la colonie, toutes les lois du Parlement, cette bibliothèque qui valait à elle seule 100 000 livres sterling, fut totalement détruite. Tout est perdu. Rien n'a pu être sauvé. Ce qui reste n'est qu'un tas de ruines fumantes. Comment se déroule donc cette fameuse soirée? On en a un petit aperçu là, mais il y a des zones d'ombre, il y a encore des débats aujourd'hui. Mais comment ça se déroule? Qu'est-ce qui se passe ce soir du 25 avril 1849 à Alain-Roy? Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a deux versions qui sont différentes de ces événements-là, définies dans le fond d'après les positions politiques des acteurs, parce qu'on va plus ou moins blâmer finalement les Tories ou finalement essayer de s'en justifier. Donc, il y a deux versions, on pourrait dire, de l'histoire. Et déjà, il y avait un témoin américain de l'époque qui disait qu'il y avait d'une part la version volontaire et d'autre part la version accidentelle. Par rapport au déclenchement de l'incendie. Alors, ce qu'on sait, c'est que ce qui est clair, c'est qu'il y a une assemblée des Tories au champ de Mars de 1500 à 3000 personnes, dépendant de qui on parle. Il y aurait eu un appel de la Gazette, le journal? Il y a un appel qui est très violent verbalement, mais qui est en fait, répond un peu sur un ton polémique, qui n'est pas un appel à l'incendie, qui est un appel au regroupement sur le champ de Mars. Que c'est le sang britannique, etc., qui est menacé, etc. Donc, c'est un appel polémique. Et à cet endroit-là, donc, au moment de l'Assemblée, les gens vont se rendre du champ de Mars au Parlement. Au Parlement même, il y a, donc, on va commencer effectivement à tirer des roches, à briser tout ça. Et il y a, selon certaines sources, en fait, Jacques Monet, qui est un des meilleurs historiens de l'époque, qui dit qu'il n'y a finalement qu'une douzaine de personnes qui rentrent dans le Parlement. Et il y a Alfred Perry, qui est le principal responsable, admet qu'il tire une roche et que c'est comme ça qu'il accroche l'éclairage qui est au gaz et que ça va déclencher l'incendie. Donc, pour les Tories, en fait, c'est plus accidentel que, même s'il y a une foule et puis il y a toute cette agitation, on ne peut pas parler. Et l'agitation va se poursuivre là, dans la soirée, le lendemain. Ils vont pourchasser, en fait, les réformistes. Là. On va se rendre jusqu'à la maison de La Fontaine. Enfin, il y a des dommages créés. Son écurie brûlée. Et ça va se poursuivre aussi au cours des journées, des semaines qui suivent. Donc, il y a une atmosphère très agitée à Montréal. Par contre, ce n'est qu'à Montréal, à l'échelle du Bas-Canada et même du Haut-Canada, c'est toute une autre atmosphère qui existe. Il reste quoi à la fin de la soirée? On l'évoquait un peu, là. Il y a deux bibliothèques, je pense, qui vont y passer. Qu'est-ce qui reste de l'édifice du Parlement à la fin de l'histoire? Bien, l'édifice brûle complètement. Brûle complètement. Des bibliothèques, en fait, il y a une discussion encore là sur le nombre réel, parce que c'est encore là une question très politique, mais il va rester à peu près 200 volumes. Il y a un Tories, donc McNabb va sauver le portrait de la reine Victoria, qui est aujourd'hui au Parlement du Canada, et on va sauver la masse. Récemment, on a trouvé les armoiries qui vont être disponibles un jour au Pointe-à-Calière. Les conséquences de tout ça, d'abord sur deux ou trois trucs très pointus, les émeutiers, quel sort on va leur réserver? Bien, ils vont être arrêtés, certains vont être arrêtés, le procès va durer. En fait, il y aura assez peu de conséquences, finalement, en termes de s'en tirer. Je pense que politiquement, en fait, le grand jeu qui va être fait à ce moment-là, c'est pas de confronter les Tories directement, militairement ou politiquement, mais plutôt politiquement, par le biais d'une série d'assemblées à travers le Canada, au Bas-Canada, de telle sorte que l'opinion publique, elle, va être mobilisée et finalement va amener à consolider ce nouveau gouvernement-là. Donc, marginaliser, au fond, cette opposition des Tories en emportant l'adhésion de la plus grande majorité de la population. Et je rajouterais des républicains aussi. Ouais. Parce que pour La Fontaine, la position de Papineau et du journal L'Avenir est aussi, même si elle est peut-être plus minoritaire, mais elle est là quand même, cette opposition au gouvernement responsable, cet appel pour la République à l'américaine. Ouais. On écoute justement, vous parlez de l'appel à la République à la manière américaine. Il y a, nous dit Denis Vaugeois, en parallèle de ce qui se passe, de cette année qui va être assez agitée, là, à 1849, à la suite de l'incendie du Parlement, il y a un mouvement qui se développe parallèlement à tout ça, un mouvement annexionniste aux États-Unis. On écoute donc l'historien Denis Vaugeois, extrait de l'émission « La petite histoire du Parlement de Québec » diffusée en septembre 1990. Pendant que des gens allaient incendier le Parlement, pour protester contre la sanction royale. Mais tout le monde ne recourt pas à la manifestation dans les rues, tout le monde ne recourt pas à la violence. Il y en a d'autres qui prennent une autre voie. Et ça, c'est extraordinaire. On a oublié ça complètement. Vous savez ce que des Anglais de Montréal vont organiser comme mouvement à l'époque? Un mouvement annexionniste. Les gens disent, c'est comme ça. L'Angleterre nous laisse tomber. Ici, on peut parler français. Ça se passe comme ça, et ainsi de suite. Là. Il énumère là, tout ce que La Fontaine a rattrapé, tout ce que l'Angleterre a concédé depuis toujours. La tolérance dont l'Angleterre a fait preuve, il faut bien le dire. Tous ces administrateurs britanniques qui, étant trop britanniques ici, ont été rappelés à Londres. On fait un petit peu le bilan de l'histoire. On dit, c'est ça notre histoire, nous autres, dans une colonie britannique? Moi, mon père était un loyaliste. Il a quitté les États-Unis pour rester fidèle à la couronne britannique. Il veut venir ici, puis on va vivre dans ce contexte-là. Bien, si c'est comme ça, là, on est aussi bien de s'annexer aux États-Unis. C'est intéressant, ce que dit Denis Vaugeois. Est-ce que ça va être important? Quelle importance ça va avoir, Alain Roy, ce mouvement annexionniste? Bien, en fait, il faut le situer dans un double phénomène, on pourrait dire, c'est qu'immédiatement après l'incendie, donc, il y a une campagne d'adresses, de pétitions pour amener les gens à jurer fidélité à la reine Victoria, soutenir le gouvernement. 240 événements à travers le Bas-Canada, puis un peu moins au Canada. Donc, ça a pour effet, en fait, de marginaliser les Tories, marginaliser les Républicains, ce qui va les radicaliser, en fait. Donc, à la mi-août, en mi-juillet, en fait, il y a une grande assemblée. John McDonnell est à la tête de ça à Kingston pour ce mouvement annexionniste-là. En fait, c'est un mouvement qui est à deux têtes. T'as d'un côté les Républicains avec Papineau qui disent « oui, on doit être annexé » et t'as de l'autre côté ce mouvement annexionniste qui est propulsé par les Tories. Mais ça va durer quelques mois, en fait. Déjà dans la 1850, on est dans un autre univers parce que suite à toute cette campagne-là, on est dans une nouvelle communauté politique. Mm-hmm. Les gens acceptent le nouveau régime. Donc, et on va arriver avec une situation où Papineau se retire, La Fontaine-Baldwin vont arrêter, vont se représenteront plus, se présentent désormais comme des conservateurs et non plus comme des réformistes. Donc, on est dans un nouvel univers pour le Canada de près 1850. Et c'est fondamental, finalement. C'est vraiment, on revient à ce qu'on disait au début, c'est comme une charnière dans l'histoire politique du pays. Absolument. C'est un fondement, en fait, sans lequel la Confédération n'aurait pas été possible. Parce que créer cette communauté politique-là, donc 12 ans, on est quelques années après les Patriotes, mm-hmm. et là, on a des gens qui étaient en armes et qui, tout à coup, 12 ans après, se proclament pour la reine Victoria. Donc, on est vraiment dans un nouvel univers politique. Ça va, en fait, une situation qui va permettre la diminution de soldats britanniques. En 1850, le nombre de soldats a baissé de 8000 à 2000. Donc, on est vraiment dans un autre univers. Il reste quoi, puis on termine là-dessus, Alain Roy, physiquement, est-ce qu'il reste quelque chose, quelques traces que ce soit de ce fameux Parlement de Montréal? Absolument. C'est un vestige archéologique magnifique qui est envisagé d'être mis en valeur par Pointe-à-Calière d'ici quelques années. Les murs sont encore là. En fait, les murs du marché, il y a plusieurs projets de mise en valeur de cet espace-là. Donc, oui, c'est une richesse archéologique qui est un bien cité, bien reconnu, donc patrimonial, par le gouvernement du Québec et dont on devrait voir la mise en valeur prochainement. Alain Roy, historien, chercheur au Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.